Chapitre 12e. Un an après. Ce soir, j'étais allé avec Gabriel au théâtre. La soirée eût été tout à fait charmante si je n'avais remarqué en elle une agitation dont je cherchais en vain à deviner la cause. Depuis quelques jours déjà, j'avais vu ses yeux s'arrêter sur moi, gros de larmes prêtes à jaillir. Ses lèvres tremblaient, s'entr'ouvrant comme pour livrer passage à des paroles subitement retenues, puis elle pâlissait et détournait son visage. Aujourd'hui, dans la voiture qui nous ramenait au logis, je sentais tout son corps agité d'un frisson, comme si elle avait la fièvre. Je l'interrogeais doucement, redoutant une indisposition subite. Elle ne souffrait pas, je me trompais. Arrivé dans notre appartement, je l'ai comme d'ordinaire embrassé au front, puis me suis dirigé vers ma chambre. Subitement, avec un cri, elle a couru vers moi, m'a saisi dans ses bras, puis comme effrayée de son audace, elle s'est laissée glisser à mes pieds. J'ai voulu la relever. « Non, non !» s'est-elle écriée. « Laisse-moi là, à tes pieds !» Aussi bien mon cœur déborde et je ne puis plus me taire. « Pierre, Pierre, pourquoi donc ne veux-tu plus m'aimer ?» Et comme devant cette explosion subite, quoique redoutée depuis longtemps, je restais interdit. « Pierre » a-t-elle repris en sanglotant. « Que t'ai-je fait ?» Certes, autrefois, quand je restais toujours seul, j'ai bien souffert. Mais ces souffrances n'étaient rien auprès de celle que tu m'imposes depuis un an. Quoi ? Je t'ai soudainement retrouvé, reconquis. Tu es revenu prendre au foyer la place trop longtemps abandonnée. Je t'ai revu comme autrefois, bon, affable, complaisant. Tu es redevenu l'ami tant aimé auquel je m'étais si pleinement, si éternellement donné. D'abord, ma joie a été si grande que je n'ai rien désiré de plus. J'étais heureuse, heureuse. C'était comme une résurrection. Puis tout à coup, j'ai cru comprendre. Il y avait entre nous, en dépit de ta cordialité, un mur de glace. J'ai attendu, ne sachant pas, patiente, soumise, espérant. Mais les jours et les jours ont passé. Je te regardais. Parfois, je voyais tes yeux s'arrêter sur les miens, avec cette ineffable expression qu'autrefois je connaissais si bien et qui me ravissait. Puis, dans tes prunelles passait un éclair, soudainement éteint. Et j'avais froid au cœur. Dis-moi, Pierre, mon Pierre, que t'ai-je fait? Pourquoi me repousses-tu? Pourquoi ne suis-je plus ta femme? Je me sentais devenir livide. En un instant, toutes les pensées mauvaises et cruelles affluèrent à mon cerveau. C'était aussi trop d'impudence. Au lieu d'accepter silencieusement ma générosité, elle me provoquait, elle me défiait. Dieu m'est témoin, lui dis-je en me contenant à peine, que jamais, jamais je n'eusse voulu que pareille question sortît de vos lèvres. Mais enfin, puisque vous avez osé parler, puisque vous remuez, sans pudeur, un passé sur lequel j'avais fait l'oubli, je vous répondrai. Pierre, Pierre, que veux-tu dire ? Elle était à genoux, devant moi, me regardant, hagarde, de ses grands yeux subitement devenus secs. Je la saisis au poignet, et approchant mon visage du sien, « Je vous répondrai par un seul mot, madame. » Fis-je. « Par un nom, Robert. » Elle s'arracha de mon étreinte et se dressant. « Pierre, qu'est-ce cela? Est-ce que je deviens folle? Que vient faire ici ce nom? Allons donc, madame, pas d'hypocrisie. Voyez bien que je sais tout. Et si pris d'une héroïque pitié, j'ai fait plus que pardonner. Si j'ai voulu vous défendre à jamais contre une faute nouvelle... Du moins, ne me demandez pas d'être plus lâche encore que je ne l'ai été. » Elle restait droite devant moi, horriblement pâle, les lèvres grelottantes. Puis tout à coup, des larmes jaillirent de ses yeux. Elle se tordit les mains, criant avec des hoquets convulsifs. « Oh, oh, il a cru cela, il a cru cela !»« Ne jouez pas cette comédie qui me fait horreur. Ne voyez-vous pas que maintenant j'ai honte de ne pas vous avoir tués tous les deux ?»« Me tuer ?» fit-elle. Ah, certes, j'aurais préféré cela. Et dans mon dernier regard, je t'aurais béni de m'avoir assez aimé pour ne pas m'imposer le mépris de ton pardon. Ton pardon, mais je n'en veux pas. Mais je ne mérite pas cette injure. Vous osez dire que Robert n'a pas été votre amant? Elle est devenue si blanche que j'ai cru à une syncope mortelle. Mais elle s'est redressée soudain et, courant dans sa chambre, elle est allée au petit meuble que je connaissais si bien. Je l'avais suivie. Je la vis faire jouer le ressort, La plainte se replia, et de la cavité, elle tira une lettre qu'elle me tendit. « Il y en avait quatre !» lui dis-je en ricanant. « Qu'avez-vous fait les trois autres ?»« Quoi, vous les aviez lus ?»« Oui. Et le lendemain, je suis allé chez votre amant que j'ai chassé comme un laquais, comme un lâche. » « Vous les avez lus ?» répéta-t-elle. « Et vous m'accusez ?» J'en ai brûlé trois. Car je voulais faire disparaître à jamais les traces d'une aventure ridicule, odieuse, qui m'a écœuré encore plus que troublé. Puis je ne sais quel scrupule, quelle inspiration, devrais-je dire, m'a conseillé de garder celle-ci, la dernière. Et vous dites que vous l'avez lue. Mais relisez-la donc, là, devant moi, et regardez-moi bien en face. Vous me direz si vous me voyez rougir. Je ne comprenais plus. Je craignais d'être subitement devenu fou. J'ouvris la lettre, je la reconnus. C'était celle qui commençait ainsi. Et vous doutez de moi, aimé ? Et vous vous défiez encore ? Mais de quoi donc ? Est-ce que vous n'êtes pas à moi comme je suis à vous ? Et c'est cela que vous me contraignez à lire ? Criai-je hors de moi. Mais continuez donc ! Fit-elle, puis m'arrachant la lettre des mains, elle lut. Mais pardon, pardon, je ne sais ce que j'écris. Je dis que votre âme, que votre esprit, que votre intelligence sont à moi, et que vous vous mentez à vous-même quand vous refusez de m'entendre. Hier encore, ne m'avez-vous pas presque chassé ? Est-ce que mon amour n'est pas, avant tout, du respect, de la vénération ? Oh, révoquez cet arrêt qui m'a brisé le cœur, rappelez-moi, et je vous jure que jamais, jamais un seul mot ne sortira de mes lèvres. Je suffoquais. En vérité, je chancelais comme si j'avais reçu un coup en plein cœur. Cette lettre, si bête, si juvénile, avec sa phraséologie niaise, je ne l'avais pas achevée. Et je criais, « Gabriel !» en ouvrant mes bras. Je ne suis ni un héros ni un lâche. Je suis un homme heureux. Ainsi s'achève Histoire d'une nuit par Jules d'Hermina.